Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h. Et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Bien le bonsoir, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo, le vendredi et le samedi soir. Voici Tisto avec Carol G. Don't be shy. Thank you.

je suis pas comme ça. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Send me.

Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Right there.

Le mix de Ludo. We'll be right back. le mix de vidéo. le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Paper thin, like a house of cards, looking fading in. Do you Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo le vendredi et le samedi soir sur Sorgia FM. Mix. No regrets, although somebody else looks good to you, yeah, I say no regrets. Le mix de Ludo. It's getting out of hand, it's just you and me. And we are le mix de Ludo. Bonne soirée à l'écoute de Sur GFM, c'est Ludo qui vous emmène. Encore pour un petit peu moins d'une demi-heure. Le mix de Ludo. Voici Lady Gaga, le remix Poker Face. On a tous besoin d'un rêve pour se sentir vivant. On a tous Like a boom. Like a boom. that ass back like a boom boom boom. Like a boom boom boom boom. le mix de Ludo. Passez une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mix de Ludo, vendredi à 21h et samedi à 22h. Nelly Furtado à l'instant. Doris Vinny, c'est un remix. Prenez soin de vous, bonne semaine et bon week-end à vous. À l'écoute de Sorgé FM, la radio la plus proche de chez vous, c'est Ludo qui vous emmenait jusqu'à 23h, jusqu'à minuit. Bah oui. Nous sommes samedi. Faites attention à vous si vous sortez. Et rendez-vous la semaine prochaine. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo le vendredi et le samedi soir sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. Y la bailan, y la gozan, y la cantan.